se dire qu'il faut l'oublier comme un délire qui ne fait que passer. Chanter très fort au-dessus de toi, aucun report ne me rattrape pas. Laisser se faire sans penser à hier, là c'est des faits que mon esprit acquiert. S'attacher à quelques secondes comme si c'était la naissance du monde. Ne penser plus qu'à sa tendresse pour rester juste le temps qui reste. S'attacher juste quelques secondes comme si c'était la naissance du monde. Ne penser plus qu'à sa tendresse pour rester juste le temps qui reste. S'attacher à quelques secondes comme si c'était la naissance du monde. Ne penser plus qu'à sa tendresse pour rester juste le temps qui reste. S'attacher.